comment direz-vous, pourquoi regardez-vous tous la télévision maintenant? Alors, pourquoi? Oui, shenme. Vous au pluriel? Nimen. Maintenant? Xianzai. Tous? Do. Regardez télévision? Kan dianshi. Comment dites-vous pourquoi? Oui. Non, pardon. Wei shenme. Oui. Wei shenme. Et rappelez-vous, wei chemin. Donc, comment dit-on pourquoi? Wei shenme. Pourquoi regardez-vous tous la télévision maintenant? Wei shenme. Ni men xianzai dou kan dianshi. Parce que mon épouse a envie de regarder la télévision. Parce que... Yin wei. Mon épouse... Wo de... Épouse... Tai tai. Avoir envie de... Xiang. Regarder... Kan. Télévision... Dian shi. Parce que mon épouse a envie de regarder la télévision. Yin wei wo de tai tai xiang kan dian shi. Je voudrais aussi regarder la télévision. Alors prenons cette phrase mot à mot. Ce qui vient en premier, c'est qui fait l'action. En fait, c'est je, donc wo. Oui, puis on dit comment l'action est faite. Alors, comment direz-vous aussi? Yeah. Vouloir, avoir envie de... Xiang. Regarder, voir... Kan. Télévision... Dianshi. Je voudrais aussi regarder la télévision. 我也想看电视. Comment direz-vous, c'est mon professeur de chinois, celui-là est professeur de chinois. Dites d'abord ce, celui-là. Na. Est. Shi. Mon. Wo de. Langue chinoise. Zhong. Wen. Professeur. Lao shi. C'est mon professeur de chinois. Celui-là est professeur de chinois. Na shi wo de zhong wen lao shi. Il n'est pas occupé maintenant. Alors prenons cette phrase mot par mot. Qui fait l'action? C'est il. Oui, ça se dit. Tra. Et quand est-ce que ça se passe? Maintenant. Qui se dit? Xianzai. Et qu'est-ce qui n'a pas lieu? Il n'est pas occupé. Qui se dira? Pu man. Il n'est pas occupé maintenant. Ta xianzai pu man. Comment direz-vous? C'est notre professeur de chinois. Ce. Zhe. Est. Shi. Notre. Wo men de. Langue chinoise. Zhong wen. Professeur. Lao shi. C'est notre professeur de chinois. 这是我们的中文老师。